une histoire particulière. Le second épisode d'une histoire particulière, c'est maintenant. Avec Alain Lefkovitch et Julie Béressy, nous sommes partis hier découvrir un curieux endroit, à la lisière du petit bois de Mondan, le long de la départementale 54, entre Caumont-l'Éventé et Cahagnes, dans le Calvados. C'est un cimetière, mais pas n'importe lequel, le plus petit cimetière du monde. Ici repose seul le lieutenant écossais James Gerald Marshall Cornwall, de la 4e Grenadier Guards, tombé au champ d'honneur le 30 juillet 1944, tué par un sniper allemand au premier jour de l'opération Blue Coat, lancée par Montgomery lors de la bataille de Normandie. Il avait 22 ans. L'endroit est entretenu à perpétuité par la municipalité et géré par la très officielle CWGC, la Commonwealth War Grave Commission, dont voici le récit. »74 ans de solitude, la grande famille de la Commonwealth War Grave Commission. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Julie Béressy. Le monde entier commémore et honore encore le sacrifice des soldats victimes de la guerre. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont fait plus d'1 750 000 victimes parmi les soldats des pays de l'Empire britannique, aujourd'hui le Commonwealth, venus faire don de leur vie sur tous les théâtres de guerre. Leurs tombes sont entretenues par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, Commonwealth War Graves Commission, qui répertorie la dernière demeure de tous ces soldats, femmes et hommes du Commonwealth, fauchés par les deux guerres mondiales, et en perpétue les tombes et le souvenir. Pour les soldats sans sépulture connue, la Commission a construit des cénotaphes aussi surveillés que le plus petit cimetière. Présente dans 150 pays, la Commission gère 23 000 cimetières, dont 4 268 rien que pour l'Europe du Nord, soit quelques 700 000 tombes. Des nécropoles dessinées selon les critères du peintre William Kent, inventeur au XVIIIe siècle du jardin anglais, et pour qui la nature doit être exploitée ou accentuée plutôt que corrigée, comme le font les Français. Steve Arnold perpétue une tradition familiale sur les traces de son grand-père et de ses oncles. Il est l'un des horticulteurs de la CWGC, en charge de la surveillance de ces jardins aux normes très particulières. Voilà, le cimetière militaire de Écouave. Vous voyez, il y a plus ou moins la moitié qui sont français, des croix. C'est des militaires français et les autres sont les nôtres là-bas. Il y a toujours un registre hein, dans le cimetière où vous trouvez tous les noms de ceux qui sont enterrés là. Si quelqu'un de la famille vient, ils peuvent chercher plot VB14. Donc devant, il y a un petit plan. Et là, ils peuvent trouver tout de suite où est la personne de la famille. Et après, il y a le visitor book. Donc si quelqu'un vient, ils peuvent laisser un petit mot. Ils mettent des petits mots pour la plupart bien. Alors, trop de jeunes hommes sont morts dans cette région. Avec la comité départemental de randonnée pédestre du Pas-de-Calais, des marcheurs se souviennent en espérant que la paix soit une priorité de notre société européenne. Donc ça c'est spécifique, quasiment tous les cimetières, pas tous, pour la plupart on a ça. Ça ce sont les stèles anglaises, les stèles françaises c'est des croix, pourquoi c'est pas des croix chez vous? Je n'ai aucune idée, ils ont décidé que c'était comme ça, pourquoi je ne sais pas. Bah, la forme c'est plutôt rectangulaire en hauteur mais avec un léger arrondi sur le dessus. Et nos ancêtres, je veux dire la CWGC, nous on a commencé en 17. Et eux, ils faisaient des croix en bois avec le nom. Après, ça a passé sur des croix en béton. Et pendant des années 20, 1920-30, quand on a créé les cimetières, on a mis ces stèles-là. Et ça, ici, c'est Portland. La plupart de nos stèles sont une pierre qui s'appelle Portland. Et c'est fabriqué où? Ben, les stèles viennent de l'île, de Portland. Et nous, ici à Bohain, on fait les... On a des machines de gravure, donc on fait des stèles pour tout le monde. Mais ce qui est spécifique chez nous, et qui a, je pense, personne d'autre, c'est on a toujours l'insigne de leur régiment. L'emblème du régiment. Oui, ouais, c'est ce que nous appelons le cap badge, donc c'est ce qu'ils portaient sur leur casquette. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Son numéro de matricule, je pense, c'est matricule. Hein. Le grade, donc son nom. Le nom du régiment, la date de son décès. C'était prévu que nos cimetières, ça devait être comme un jardin anglais. Donc des plantes, ce que nous appelons herbaceous plants, c'est des plantes vivaces, des rosiers, tout ça. Il fallait qu'un visiteur d'Angleterre ou de Grande-Bretagne qui vient ici se retrouve un peu chez lui. Et ces gens, ils sont tous morts pour nous. Donc c'était la dernière chose qu'on pouvait faire pour eux, c'est de faire en quelque sorte que le lieu de leur sépulture soit bien entretenu et comme chez eux. C'est-à-dire que les jardiniers, ils ont l'habitude, depuis le départ, quand ils travaillent à la commission, d'utiliser une centaine de différentes, 150 différentes plantes. Et c'est des plantes que, depuis le temps, on connaît, ils ont le mieux survécu au temps et à notre façon de faire dans nos cimetières. Alors, on utilise toutes sortes de rosiers. Il y en a un qui a été fait spécifiquement pour nous, qui s'appelle le Rembrandt. C'est un rose rouge. C'est quelque chose qui est très spécifique, que vous allez trouver dans les rosiers dans tous les cimetières. Viens, Laurent. Bonjour. Alors, Laurent Nicole, il est chef jardinier principal bonjour. Ici. Bonjour. Bonjour. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que Steve nous parlait de 150 variétés de plantes différentes. Ça va de où à où? Tout est en vivace. Hein. Vous avez des plantes intermédiaires, vous avez des plantes tapissantes, vous avez des plantes qui sont un peu érigées. Voilà, il y a beaucoup de diversité, mais entre 80 et 150 variétés, à peu près. Hein. Bon, là, vous avez de la Campanula Dixon Gold. C'est une campanule qui a feuillage jaune. Ça, c'est du lamium, c'est une parenté avec un ortie. Donc celui-ci, c'est une variété blanche. Là, vous avez des lyriopes, ce sont des plantes qui font des petites... Alors, on essaye de varier les couleurs, en fait. Le principe de la plantation, c'est de pouvoir mettre des floraisons d'été et de printemps en même temps. Comme ça, la stèle est fleurie toute l'année, en fait. À côté, vous avez un phlox alpin qui, lui, fleurit au printemps. C'est une plante tapissante qui couvre le sol pour éviter la pousse de mauvaises herbes. Puis après, bon, donc cette bordure-ci sera reproduite 5 bordures plus loin. Toujours comme ça. Voilà. Après, vous avez des bordures d'arbustes pour couper un peu la monotonie du site. Ça et les rosiers nous aident beaucoup aussi. En plein été, il n'y a plus que les rosiers qui soient vraiment en fleurs, quoi, avec 4 couleurs différentes. Ici, j'ai le Remembrance qui est là-bas tout au bout. Voilà. C'est le rosier qui est comme emblème à la commission. C'est une variété qui est rouge pétant. Donc ça fait beaucoup avec le contraste avec les stèles blanches. C'est parfait. Parfait. Il y a j'imagine, des règles à respecter, d'écart entre les stèles, d'écart entre les plantes. Oui, il y a pas mal de choses après techniques au niveau des plantations, au niveau des séquences de plantation. Je vais vous donner un exemple, on travaille sur, on prend 4 stèles et on met 8 plantes dessus sur 4 stèles. Et cette séquence de plantes est répétée tout le long de la bordure en fait. Il y a des plantes intermédiaires, il y a des hauteurs de fleurs qu'on doit respecter. Comme les lettrages sur les stèles, on ne peut pas mettre de plantes assez hautes. Sinon, on verrait plus le lettrage, quoi. Donc, il faut mettre plutôt des plantes tapissantes devant la stèle et à côté des choses un peu plus érigées, quoi. Voilà. Alors là, on est en train de piétiner du gazon anglais, c'est ça? Oui, c'est du gazon anglais, en fait. Au départ, c'est des variétés de gazon qui sont choisies, justement, en fonction des terrains, par rapport à la pousse du gazon, etc. Ou si c'est un terrain qui est drainé, pas drainé, etc. Après, tout dépend de la tonte qu'on va y faire aussi, comment on va le tondre, etc. Ouais. Alors, c'est quoi la hauteur réglementaire? Alors là, la hauteur réglementaire, ça a changé au fil des années parce qu'on tondait plus court avant. Maintenant, on est à une hauteur de 30-35 mm qui sont tondus donc régulièrement, c'est-à-dire environ un cycle de tonte, c'est 8-10 jours. Quoi. Bon, après, il y a la période sèche où ça pousse forcément moins. Et c'est surtout de maintenir les bordures droites le plus possible et d'empêcher justement que les mauvaises herbes aillent dans les bordures, en fait. Voilà, c'est ça le plus gros de la maintenance. Quand on travaille à la commission, on ne peut pas s'empêcher, quand on est dans les bordures, de regarder les noms. De regarder un petit peu le régiment, l'âge. Souvent, c'est l'âge qui est important. Et même les nouveaux arrivants, au début, bon, ils sont obnubilés par ça. Ils regardent, ils travaillent 20 ans, etc. Quand ils travaillent à longueur de mois dans les cimetières, ils se rendent compte que bah oui, ce sont des tombes. Ce sont des tombes de gens qui avaient une vingtaine d'années à l'époque. Quoi. Donc on en parle aussi entre nous et on se dit, bah oui, mais tous ces gars-là, ils ont fait autant de kilomètres et ils sont venus se faire tuer ici, en pleine campagne. Quoi. Il n'a rien connu, quoi. À 19 ans, il s'est fait tuer en venant aider. Et ça, ça a une dimension importante à la commission. Alors c'est triste pour ce lieutenant qui est enterré tout seul à Cahagnes. C'est 74 ans qu'il est tout seul. Bon, c'était une décision qui a été prise par sa famille à l'époque, certainement. Je suis persuadé, si on avait posé à cette personne, si jamais en cas de son décès, s'il voulait être enterré tout seul avec ses collègues, à mon avis, il aurait choisi ses collègues. La famille ne pense pas toujours à ça, nécessairement. Mais bon, c'est... Je sais pas exactement ce qui s'est passé, donc on va voir ça tout à l'heure. Mais c'est extrêmement rare, et c'est, à mon avis, cette famille avait un certain pouvoir, parce que normalement, c'était pas prévu comme ça. Normalement, tout le monde devait partir dans les cimetières. Donc, pour une raison ou l'autre, lui, comme je dis, il a dû avoir une famille assez puissante, au pouvoir quelque part, pour pouvoir rester où il était. Mais c'est vrai qu'ils sont mieux ensemble dans le cimetière. Mais ce qui est aussi, c'est des fois des tombes qui sont... Maintenant, on n'en a pas, mais des fois, au milieu d'un champ. Et on mettait un petit grillage autour, et puis ça, c'est des tombes isolées. Souvent, c'était ça pouvait être aussi un avion qui s'était écrasé dans un champ. Donc, les deux occupants de l'avion étaient enterrés à part, en fait. Souvent, dans la commune la plus proche. Dans le cimetière communal, quoi. Chez les Britanniques, la coutume, c'était d'enterrer le soldat tombé sur le lieu de sa dernière bataille. Oui, quand on pouvait, oui, c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'on a tant de cimetières, nous. Que les Américains, les Français, les Belges, tout le monde a ramené ses soldats dans les grands cimetières. Que nous, on a laissé nos soldats sur place. C'est pour ça qu'on a tant de cimetières en France. Des fois, des petits cimetières au milieu d'un champ... Et pour nous, bon, ça donne la charme au CWGC. Je veux dire, les soldats, ils sont littéralement où ils sont tombés. Et pour nous, c'est du travail. Ah, parce que vous disiez certainement que le lieutenant qui est enterré à Cahagnes venait d'une famille influente. Peut-être, oui. Il faut qu'on regarde. On va regarder sur son dossier. Parce que c'est rare que quelqu'un a été laissé sur place. Je dis, il y en a que quelques-uns, un petit quelques-uns en France qui ont ce qu'on appelle un isolated grave. C'est très rare. Donc, il doit y avoir une raison pour cela. On va peut-être le trouver quand on est au bureau, pourquoi on l'a laissé sur place. Rares sont les occasions de franchir les murs de cette étrange bâtisse aux faux airs de lieu de culte de la rue Angèle-Richard à Beaurain dans le Pas-de-Calais, à moins de 5 km d'Arras. 435 personnes travaillent ici au quotidien, au siège logistique mondial de la commission. C'est également dans la grande morgue de l'établissement que l'officier d'exhumation étudie les restes des corps que la terre rejette avec le temps, au gré de travaux, de culture ou d'intempéries. Un espoir pour les familles qui cherchent encore et toujours certaines des 5114 victimes de l'opération Blue Coat, au cours de laquelle le lieutenant James Gérald Marshall Cornwall a perdu la vie, et des 209 672 victimes militaires alliées de la bataille de Normandie. Notre soldat, il est de Deuxième Guerre. Je pense pas qu'on va trouver grand-chose. Les documents sont encore secrets. Ouais. Alors, chaque cimetière, chaque site chez nous a un dossier, bon, a déjà un numéro. Ça, c'est le numéro de Cahagnes, en Slated Grave, en Calvados. Donc, c'est le numéro 16963. Ouais. Ces numéros sont tenus partout, hein, même des copies de ce dossier en Angleterre ont le même numéro. Donc, chaque cimetière a son numéro spécifique. Comme ça, c'est facile pour nous de retrouver tout. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été pris, mais vu la voiture, ça doit être les années 70. Donc ça, c'est les photos. Les photos de l'époque, oui. Et un petit peu l'historique de ces sites. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle il a été laissé là-bas. Apparemment, c'est la ville qui se charge un peu de garder les lieux et qu'ils le font apparemment depuis longtemps très bien. Donc je vois que... Le terrain à l'époque où il est enterré a été donné à la mairie. Bon, après, je ne vois pas vraiment autre chose. Malheureusement, je n'ai pas de dossier d'origine. Alors, sur le dossier d'origine, il y aurait certainement eu les raisons et tout ça. Mais c'est entretenu par la ville, mais c'est toujours notre stèle. Mais nous, on vérifie de temps en temps. On va passer pour voir une fois tous les deux ans. Normalement, on essaye de voir tous nos stèles isolés et les autres ECM. Bon, isolés, c'est extrêmement rare. Alors, j'en ai un autre en Normandie qui est comme, un peu comme celui-là, mais c'est rare. Quoi. On va peut-être retrouver la première partie du dossier, non, Dans les archives, oui. Ça sera dans les archives. Mais je peux le demander en Angleterre. Alors, attendez, je vais voir si on m'a envoyé un petit mail vite fait. Gareth, what's his name, the archivist? Oh, thanks. Thank you. Je vais envoyer un mail. Peut-être que dans la journée, je pourrai avoir quelques détails. C'est une cellule qui s'appelle Commemorations. En fait, c'est une équipe avec qui je travaille sur tout ce qui est retrouvailles de Soulta et tout ça, mais en même temps, c'est des archivistes, c'est des gens spécialisés dans la recherche. Et je sais que si quelqu'un va me trouver rapidement le détail, c'est eux. On va voir. Au bout de la ligne, du fin fond de son Écosse natale, Sir Hugh Willoughby, neveu de feu le lieutenant James Gerald Marshall Cornwall. Le père du lieutenant James Gerald Marshall Cornwall était un vieux général de l'armée britannique. Il était écossais. Sa femme, ma grand-mère, était galloise. Elle avait des origines anglaises et galloises. Il n'appartenait pas à l'aristocratie, mais disons que c'était une famille influente. Ils avaient quelques petites possessions en Écosse et au Pays de Galles. Et puis ils avaient une maison à Belgravia, au centre de Londres. Il s'était particulièrement distingué pendant la Première Guerre mondiale. Il avait des facilités à apprendre les langues et il en parlait parfaitement plusieurs, comme le français, l'allemand, le suédois, le norvégien, l'italien, le néerlandais, le turc, le mandarin. Et il se débrouillait bien en arabe et grâce à ses capacités en langue, il a été amené à travailler dans le renseignement militaire. C'est ce qu'il a fait le plus pendant la Première Guerre mondiale. Il a reçu de nombreuses médailles pour son travail, y compris la Légion d'honneur française. Je ne vais pas vous abreuver de détails, mais il a été très impliqué dans le traité de Versailles et dans la crise de Çanak en Turquie avec Kemal Atatürk. Il a rencontré sa femme en Turquie. C'était une jeune Anglaise qui conduisait une ambulance de la mission de la Croix-Rouge qui aidait les réfugiés russes blancs qui fuyaient les bolcheviks pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont revenus en Angleterre pour se marier et ils sont repartis en Turquie pendant cette crise du Çanak. C'est donc comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère, sa femme. Alors l'autre partie de votre travail, c'est l'identification des corps. Le CWGC, depuis la Première Guerre, sont les seuls chargés de découvrir, d'aller chercher, de récupérer les corps de soldats de Première Guerre. Où il y a des archéologues, des fois, qui viennent ici. Mais ils sont obligés de nous contacter. Nous, on va sur place, on travaille avec eux, ou on les laisse travailler, mais sous certains. Il faut que s'ils trouvent quelqu'un, il faut qu'ils nous appellent, ou appeler la police et tout ça. Mais oui, ça, c'est l'autre partie de notre travail. Alors, c'est une partie qui, pendant des années, je ne pense pas que c'était quelque chose qui était très chargé, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus appelé qu'avant. On y va dans la journée, qu'avant c'était peut-être pas le cas. J'entends des fois parler de mes anciens collègues que ça pouvait durer quelques mois. Et on comprend bien que si je suis agriculteur et je trouve un corps et puis j'appelle un CWGC et ça dure 3 mois ou 4 mois avant que le travail est fini, je ne dirai plus rien parce que je ne peux pas s'aimer si on dit pas de travailler sur un certain endroit. Forcément, après, il ne va plus l'appeler. Qu'aujourd'hui, on va dans la journée. On fait le nécessaire pour récupérer le soldat dans la journée. Et on travaille avec les démineurs qui nous aident beaucoup, il faut dire, à sécuriser le site. Donc si on ne peut pas finir dans la journée, on utilise leur mini-pelle pour couvrir l'endroit où on travaille. Comme ça, il n'y a pas de vol. Parce que ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent. C'est des gens qui cherchent des objets de la Première Guerre pour vendre par la suite. Vous récupérez aussi les gens de la Seconde Guerre, non ? Oui, mais très peu de Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est très peu. La plupart, c'est Première Guerre. Parce qu'il en manque des milliers, des milliers. Deuxième guerre, il en manque beaucoup moins, puisque c'était des batailles étaient plus courtes, durées, et puis ils pouvaient récupérer assez rapidement les morts. Que dans la Première Guerre, s'ils partaient sur No Man's Land, ils étaient morts là. Des fois, ils restaient là pendant des semaines. Des obus qui tombaient à côté, qui couvraient les soldats, et puis voilà, c'était fini. On va peut-être aller dans une petite salle là-bas. Alors ça, c'est pareil. Hein. Chaque fois qu'on trouve quelqu'un, on attribue un numéro. Et depuis, j'ai regardé les trouvailles depuis 1972. Et au total, on a déjà récupéré 900 et quelques personnes, soldats. Et l'équipe actuelle, moi et Paul et mes autres collègues, on est responsable de plus que 250 soldats, déjà, qu'on a récupéré depuis 15 ans. Ça, c'est le 450e soldat ? Ouais. Non, cas, trouvaille. Non, mais il peut y avoir 50 soldats dans 450. Ah, là, par exemple, c'est 450, le 450e trouvaille. Oui, 450, c'est, il y en a 4 soldats. Et après, il y a le drapeau, donc c'est des Britanniques. Mais on peut... Là, ce qu'on trouve, alors, hein, par exemple, le casque. Fort déformé. Ces gens-là sont morts en 17. C'est un pot de margarine qui a été ouvert à l'époque. Et après, on peut trouver des petites choses personnelles. Par exemple, des petites tuiles pour mettre des cigarettes. Après, il y a des petits objets, hein, ciseaux. C'est incroyable, ça reste sa dernière bouteille vide. Alors ça vient de Belgique, ça. Alors, la terre en Belgique est complètement différente qu'en France et conserve beaucoup mieux les vêtements, les objets. En France, la terre, ça on ne trouve jamais en France parce que c'est plus acide et tout est plus détérioré que, par exemple, en Belgique. Que là, j'ai des bottes, des vêtements qui sont parfaits, on va dire, en bon état pour 100 ans dans la terre. Donc ça, ce sont tous les objets qu'on a trouvés au lieu où on a trouvé les ossements. Enfin, oui. C'est les objets de la sépulture. Oui, voilà. Hein, brosse à dents. Il n'y a plus les brosses, mais le brosse à dents, il est toujours là. Donc le soldat, quand il allait en guerre, il partait avec son sac à dos, avec tout dedans. Ah, c'est rare, mais j'ai déjà. On peut trouver le sac à dos encore plus ou moins intact avec ses conserves, hein, parce que j'en ai déjà trouvé avec 3-4 conserves comme ça. Mais c'est important que nous on trouve parce que. Vous voyez, quand c'est pas pillé, on trouve plein d'objets qui peuvent montrer, qui ont possiblement donné une identité ou au moins un régiment qu'on peut enterrer chez nous. Avec son régiment et tout ça sur la stèle. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, avec tous les objets, donc sa brosse à dents, sa chaussette, son casque, malgré tous les petits objets qu'il y a dans cette caisse, on n'a pas réussi à identifier... Non, je pense qu'on identifie... on va jamais identifier ces gens-là. Ils sont quatre. On va savoir, on connaît leur régiment. Mais on ne connaît pas on ne pourrait jamais dire qui ils sont. J'ai aucun indice de leur nom, malheureusement. À l'époque, les matricules, comment ça s'appelle en français, les disques pour les armées britanniques, ils étaient en carton. Alors, ils étaient vite détruits. Quand on trouve des soldats allemands, souvent on trouve le matricule. Et déjà sur place, on sait qui c'est. C'est juste incroyable. Nous, on rêve de ce genre de choses, mais on n'a pas. C'est dommage. Et donc, tous ces objets, ensuite, vous en faites quoi? Ça va être enterré avec. Et les soldats, ils sont mélangés. Les quatre, ils ne savent pas qui est qui. Et là, les quatre, ils ont dû être enterrés ensemble. Sauf que ils ont fini dans une pelle. Et ils ont été retrouvés sur les alentours, quoi. Oui, c'est-à-dire que tous les ossements ont été mélangés. Ouais. Donc ils vont être enterrés tous les quatre ensemble, avec les quatre stèles. Là, les quatre, il y aura quatre stèles collées l'un à l'autre, l'une à l'autre, et avec donc on connaît les régiments. Mais peut-être, j'ai pas encore fait le rapport, mais peut-être qu'on va dire, oui, mais à cet endroit-là, ils vont peut-être trouver les détails d'un enterrement de quatre personnes. Donc je sais pas, hein, je dis, ils vont être inconnus, peut-être qu'on va trouver leur nom. Mais là, j'ai pas d'indice. Voilà. Je pense que je vais regarder, mais voilà, il a été rapide. Alors vous avez une réponse? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit cette réponse? Alors elle dit que the site of the above grave was presented by the landowner to the family of Lieutenant Marshal Cornwall, and the family expressed their wish that their son should remain where he had originally been buried. As the casualty was buried in private ground owned by the family, we could not object, but it was pointed out that the commission could not guarantee the condition of the grave. It would appear that after the war, the family had made a financial gift to the local commune of Caen to ensure maintenance of the gravesite. Ce qu'ils faisaient, c'est que pendant l'avancement, quand ils avaient un mort, ils les enterraient sur place. Et derrière, nos prédécesseurs, hein, le CWG, puisque ça existait déjà, ils passaient derrière pour récupérer ces corps, pour les enterrer ensuite dans les cimetières. Sauf que là, apparemment, le propriétaire, il a dit qu'il voulait donner le terrain à la famille, et la famille a dit, du coup, il voulait qu'il reste enterré où ses collègues l'ont enterré après qu'il est décédé. Donc, à mon avis, il était de famille, peut-être. Déjà, le régiment, c'est un peu... Et après, il était officier. Alors, je ne sais pas, on peut essayer de lui trouver hein, son Ancestry, mais on va faire une recherche. Alors là, on regarde sur quoi? Ancestry. Donc, c'est un site de généalogie. OK. James... Déjà, Marshal Cornwall. Ah oui, d'accord. C'était un général, son père. World War One, donc il s'est battu dans la première guerre. Et quasiment toutes les médailles que quelqu'un peut avoir. On voit que c'est un général d'artillerie qui s'est battu déjà en Égypte en première guerre mondiale et puis qui faisait encore partie de deuxième guerre mondiale. Donc, c'était quelqu'un assez élevé. Il a voulu, je ne sais pas pour quelle raison, il a voulu que son fils soit laissé sur place. Mais bon, il avait certainement ses raisons. Je crois que c'est étonnant pour un militaire. Mais... Surtout qu'il connaissait sûrement nos cimetières. Donc je trouve ça... Ouais. Bon, c'est un choix de famille. Il est décédé en 85, donc il a dû visiter pas mal de fois ce lieu. Parce qu'il n'est pas mort depuis tellement longtemps. Il a vécu, je vois, à l'âge de 98 ou 89. Oui. C'est rare. Merci à Steve Arnold et aux membres de la CWGC qui nous ont accueillis, à Laurent Nicole et à Hugh Willoughby. 74 ans de solitude, la grande famille de la Commonwealth War Grave Commission. Réalisation Julie Bérécy, mixage Philippe Thibault, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.